Silencieusement, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Silencieusement. En un plein jour, l'armée de lampes, qui brûle en l'honneur de tout l'inexprimé du cœur, le silence, par un chemin de rampe, descend vers ma rancœur. Il circule très lentement, par ma chambre décelement. Je vis tranquillement en lui. Il me frôle de l'ombre de sa robe. Parfois, ses mains et ses doigts d'aube closent les yeux de mon ennui. Nous nous écoutons ne rien dire. Et je rêve de vie absurde et l'heure expire. Par la croisée ouverte à l'air, les araignées tissent leur tamis gris depuis combien d'années? Saisir le va-et-vient, menteur des sequins d'or, qu'un peu d'eau de soleil amène au long du bord. Lisser les crins du vent qui passe, et se futiliser le cœur intègre, et plein de sa folie allègre. Regarder loin, vers l'horizon fallace, aimer l'écho, parce qu'il n'est personne, et lentement traîner son pas qui sonne, par les chemins en volute de l'inutile, être le ray mince et ductile, qui se repose encore dans les villes du soir, lorsque déjà le gaz mord le trottoir. S'asseoir sur les genoux de marbre d'une vieille statue au pied d'un arbre, et faire un tout avec le socle de granit, qui serait là depuis l'éternité, tranquille, avec autour de lui un peu de fleurs jonquilles. Ne point saisir au vol ce qui se définit, passer et ne pas trop s'arrêter au passage, ne jamais repasser surtout, ne savoir l'âge, ni du moment, ni de l'année, et puis finir par ne jamais vouloir de soi se souvenir. 1889. Fin 2. Silencieusement.